Alors, je viens d'une autre planète. Je viens d'une autre planète parce que ce que je vais vous raconter, c'est difficile à croire. Enfin, c'est un peu plus facile maintenant, il y a quelques années, je suis un vieux professeur, hein, il y a quelques années, quand on expliquait à des collègues français que chez nous, il n'y avait pas de compteur d'eau, les gens nous regardaient avec des yeux, et puis on leur disait, ben oui, c'est comme pour le téléphone. Quand tu téléphones à ta belle-mère en face de chez toi, au côté de la rue, tu peux lui parler malheureusement pour toi pendant des heures, ça ne te coûtera pas un rond. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas les tarifications locales, c'est pas facturé. Alors les gens nous disaient, les compagnies de téléphone doivent faire faillite chez vous. Bon, alors maintenant, ça a beaucoup changé parce que maintenant, il y a des forfaits avec les portables et les gens comprennent l'idée qu'une fois qu'on paye l'abonnement, bon, ben c'est ça. Chez nous, il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur comme il y en a plus beaucoup d'endroits sur la planète où il n'y a pas de compteur. Paul me disait, il y a en Irlande, il y a l'Écosse où il y a très peu de compteurs. L'Angleterre, où il y en a encore très peu, où il n'y en avait pratiquement pas jusqu'à Mme Thatcher. Hein. Et pourquoi il n'y a pas de compteur chez nous? Ben, parce que la Nouvelle-France, qui est devenue le Québec, est passée sous contrôle anglais. Et lorsque, pardon pour les traducteurs, lorsque les services d'eau se sont établis un peu partout dans les pays occidentaux, les pays de la première industrialisation, au même moment, hein, au milieu du 19e siècle, on était sous contrôle anglais total et donc c'était à l'anglaise, sans compteur d'eau. Et je vais. Alors, il y a. Au Québec, c'est vraiment une autre planète. Il y a à peu près 5% du chiffre d'affaires de l'eau qui passe par le privé. Hein, les compagnies, les grandes compagnies internationales qui sont des compagnies françaises sont présentes, mais ça représente à peu près 5% du chiffre d'affaires. Il y a au maximum 10 ou 15% des consommateurs d'eau résidentielle qui payent l'eau au compteur. Donc, chez nous, c'est relativement, peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est loin d'être majoritaire. Les compteurs d'eau, c'est en quatre points, c'est inéquitable, c'est inefficace pour diminuer la consommation, c'est inefficient, ça coûte un bras, et c'est insensé. C'est inéquitable en fonction de la capacité de payer. Ça, c'est entendu. Même un rapport pour l'OCDE en convient d'emblée. Il y a des fois la solution, comme les gens de Roquevert, tout près d'Aubagne, hein, ils ont enclenché là, récemment, mais il y en a quelques autres en France. Hein. Les premiers 30 mètres cubes d'eau sont gratuits, mais par contre, hein, par compteur. Hein. Et évidemment, ils disent ben, il y a un petit souci parce qu'il y a des fois des compteurs qui desservent 15 maisons d'un lotissement. Il y a des fois un compteur qui dessert un immeuble. Bon, c'est pas génial. Sans compter que même si c'est un compteur individuel, ça défavorise les familles. Hein. Bon, c'est entendu. Alors, dans le rapport de l'OCDE, ils disent, écoutez, il y a quand même une solution qui est géniale, c'est ce qu'ils font en Belgique, surtout en Flandre, hein, où là, il y a un volume d'eau gratuit per capita. Bon, il y a un tout petit souci. Pourquoi ça se fait en Flandre? Parce qu'en Flandre, il y a un registre de population, hein, un recensement continu. Hein. Les recensements, ça coûte la peau des fesses. Si on faisait, imaginez qu'une administration de l'eau doivent savoir combien de personnes s'abreuvent à un robinet, ça dépasse tout entendement. Ça n'a pas vraiment de fin, cette histoire-là. L'histoire de la tarification sociale. J'entendais un camarade de Strasbourg, il y a quelques temps, dire que sur le... Je ne sais plus, c'est l'agglo, la commune, ils ont 200 ménages qui bénéficient de la tarification sociale, mais que d'après la CAF, les allocations familiales, il devrait y avoir 300 ménages qui se seraient prévalus de ça, qui auraient eu droit. Il en manque 100. Pourquoi? Les gens n'ont pas voulu être stigmatisés, les gens n'ont pas voulu défiler tout nu devant tout le monde en disant « je suis pauvre, j'y ai droit ». Bon, vous voyez, alors c'est inéquitable en rapport à la capacité de payer, ça, il n'y a personne qui contredit ça. Ce qui est plus croustillant, c'est que c'est inéquitable en fonction du bénéfice reçu, en fonction des coûts. L'essentiel des coûts de l'eau, c'est des trucs qui sont fixes. C'est l'achat, la pose, l'entretien des conduites souterraines, la construction des usines. C'est le salaire de celui qui est là de permanence, hein, d'astreinte. Hein, qui passe un mètre cube sous ses yeux, qui passe 10 000 mètres cubes, c'est pareil, ça coûte le même prix. Le coût marginal au mètre cube, c'est vraiment ridicule. À Montréal, bon, c'est très particulier, il y a abondance d'eau de bonne qualité. Pricewaterhouse, des comptables qui ne passent pas pour des gauchistes, estimaient qu'il y avait 97% des coûts qui étaient des coûts fixes. Et que donc, il y avait 2,7% des coûts variables. Si jamais on parvenait à diminuer la consommation d'eau, l'économie s'appliquerait à 2,7%. Vous voyez, c'est pas terrible. Mais, alors, dans les coûts fixes, il y a la protection contre les incendies, il y a le combat de la pollution diffuse, il y a tout ça. Hein. Alors, dans les grandes villes où il y a des logements vides, des logements vacants, eux, ils ne payent rien, hein, ou très peu. Ils payent l'abonnement, mais l'abonnement, Bruxelles demande de diminuer l'abonnement. Dans les petits villages, comme mon petit village à Véronais, où il y a le 2/3 des maisons qui sont inoccupées au moins 11 mois par année, des Parisiens, des Toulousains, des Néerlandais, des Anglais, eux autres, ils ne payent rien, alors qu'ils profitent du même service que tout le monde. Alors, les résidents se cotisent pour payer l'eau des résidences secondaires. Merci, c'est bien. Bon, c'est assez inéquitable. En fait, payer l'eau au compteur, payer les infrastructures au compteur, c'est comme si on payait pour les trottoirs en fonction du nombre de pas. C'est à peu près aussi logique. Ça use de marcher sur le trottoir, hein? Mais ça use si peu que c'est tout à fait ridicule. Les deux derniers points. Les compteurs d'eau, c'est inefficace pour diminuer la consommation. C'est assez rare qu'il y ait des recherches vraiment contrôlées. Hein. Il y en a eu une demandée qui avait été commandée à un dénommé Mouillard par l'Association des syndics de copropriété en région parisienne. Leur question était très simple. Ils voulaient diminuer les charges. Est-ce que ça vaut la peine de nous, à nos frais, d'installer des compteurs individuels par logement? Hein? Et Mouillard leur dit, écoutez, il fait des études à partir de toutes les informations qui lui sont fournies, tout près de 70 000 logements, et il dit, écoutez, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, c'est inélastique. Si au pied de l'immeuble, il y a un bar, d'accord, vous mettez un compteur. S'il y a un pressing, une lèvre automatique, vous mettez un compteur. Si c'est un marchand de chaussures, oubliez ça, ça ne vaut pas la peine. Hein? Et c'est pareil pour tout. Évidemment, les gros consommateurs, eux, peuvent réagir au fait d'avoir un compteur ou pas, mais les ménages, non. C'est inefficient, les compteurs. Un compteur, ça coûte quelque chose. Il faut l'installer, l'entretenir, le relever, faire des gros yeux méchants à ceux qui ne payent pas. On estime généralement, et c'est vrai en France, que à peu près 50% de l'argent qui est ramassé avec les compteurs d'eau sert à payer le compteur d'eau. Alors, c'est pas l'eau qui paye pour l'eau, c'est le compteur d'eau qui paye pour le compteur d'eau. Et le dernier point, c'est relativement insensé, économiquement insensé, c'est ce que les économistes appellent l'inefficacité économique, en sens qu'il y a des effets pervers. Parmi les très rares qui réagissent au compteur d'eau, c'est les pauvres. Les pauvres d'entre les pauvres, qui, eux, limitent leur consommation en deçà de ce qui est logique, de ce qui est utile du point de vue de la société. Ça pose des problèmes. Deuxième élément, imaginez la prochaine épidémie. On ne sait pas ce que ce sera. Il y en aura une prochaine. Hein? Et ça va être quoi le principal moyen de combattre la prochaine épidémie? Je vous le jure, n'importe quoi, je vous parle n'importe quoi. C'est le lavage des mains à grande eau. Alors, vous envoyez deux messages contradictoires. Vous vous dites, écoutez, vous levez le robinet, hein, c'est surtout si vous êtes dans un endroit public, vous le levez avec le coude ou avec un bout de papier, et vous lavez à grande eau. Alors là, vous rabaissez, et en même temps, vous dites, c'est vraiment plusieurs fois par jour, et regardez pas la dépense, hein, il faut vraiment bien vous laver. En même temps, il faut que vous économisiez chaque goutte d'eau. C'est ridicule. Le dernier élément insensé, c'est que ça conduit à des usages, à des pratiques le pompage des nappes phréatiques, l'utilisation de l'eau grise, dont on sait que parfois l'eau grise qui peut alimenter les chasses d'eau, c'est bien, mais il y a des fois, pour économiser 3 francs 6 sous, hein, les gens qui utilisent l'eau autrement, bon. Ben voilà, c'est, ça a été dit plusieurs fois, hein, à Aubagne, les transports publics, les bus, c'est gratuit. Et c'est inscrit liberté, égalité, gratuité. Hein. Mon conseil général avait décidé l'année où on arrivait en Aveyron que les transports scolaires, c'était gratuit. Et même le mercredi pour le foot. Pourquoi? Parce qu'on veut que les enfants fassent du sport. Alors, ça coûte des sous, c'est pas gratuit. Hein? Il y a quelqu'un qui paye, c'est l'impôt. Hein? Et ben, c'est pareil pour l'eau. Il faut se faire une tête. Est-ce qu'on veut considérer que c'est un truc... est-ce que c'est un service public? Il n'y a pas de problème de gaspillage possible. Les gens sont pas... C'est pas parce que les transports sont gratuits à Aubagne que les gens font des tours de manège. Hein? Bon, c'est un peu pareil pour l'eau. Merci Pierre. Jean-Louis Touly. Bonjour à tous. Je voulais simplement dire que je remercie Marc de cette belle initiative des controverses qui a un vrai succès et que je lui proposerai la prochaine fois une controverse peut-être plus difficile à organiser, enfin à organiser, je ne sais pas, mais c'est la position des salariés qu'on oublie souvent, où là effectivement il y a une grosse controverse puisque pas plus tard qu'hier matin, des responsables du syndicat révolutionnaire qu'est la CGT venaient diffuser devant le Forum mondial de l'eau un grand service public national de l'eau du 25e siècle, et donc surtout pas de revenir en régie au cas par cas. Donc vous voyez, là il y a une controverse évidente. Et puis, avant de discuter directement de ça, je voudrais quand même montrer qu'on est nombreux, on est tous intéressés, et en plus on est joyeux, mais que les politiques, visiblement, ça ne les intéresse pas, cette question-là. On avait peut-être le futur président de la République qui est passé hier, et qui n'est pas passé, et qui n'a pas dit un seul mot apparemment dans son meeting. Et pourtant, nous sommes à Marseille, nous sommes pendant le forum alternatif, à l'approche du forum du 22 mars. On peut s'étonner que cette question qui traverse les esprits, qui intéresse toute la population, n'intéresse pas nos élites politiques, quelles qu'elles soient. C'est ça qui est désolant. Mais bon, on est nombreux, c'est bien. Alors la facture, l'impôt. Effectivement, moi qui travaille de nouveau chez Veolia, donc j'ai une expertise vraiment toute intéressante, la facture, évidemment, c'est quelque chose de très important, puisque d'abord, avant d'avoir la facture, il y a le compteur, on vient d'en parler, et évidemment, un compteur décide de mesurer la consommation, et donc ça donne une facture. Et dans la facture, il y a deux parties. Il y a la partie de l'abonnement, un peu comme dans tous les autres services publics d'ailleurs, et puis vous avez la consommation. Alors, je m'arrêterai deux choses là-dessus. En deux temps, d'abord, l'abonnement, c'est souvent les frais d'entretien et de location des compteurs, puisque la seule chose qui appartient aux entreprises privées, c'est les compteurs. Ils y tiennent beaucoup, ça ne coûte pas cher, mais ça peut rapporter gros. Mais est-ce que vous êtes posé la question du temps de location des compteurs, puisqu'un compteur doit être renouvelé tous les 12 ou 14 ans, et qu'en moyenne en France, il est renouvelé tous les 24 ans, alors deux fois plus. Donc, à quoi sert de payer une location alors qu'on ne change pas le compteur à la fin de sa durée de vie? Mais le pire, c'est l'entretien. Est-ce que vous avez vu dans votre secteur, lorsque vous avez un compteur, ça ne concerne pas les gens qui habitent dans les immeubles, est-ce que vous avez vu quelqu'un, un salarié de Veolia, de Suez, venir astiquer avec une peau de chamois le compteur, enfin faire quelque chose en dehors du releveur, évidemment, hein? Donc qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Donc d'abord, première grosse opacité. La deuxième opacité, c'est le prix de l'eau qui est multiplié par la consommation. Évidemment, ceux qui ont un compteur, je vous invite à vérifier votre consommation, parce que sinon ils vont vous proposer, d'ailleurs ils vous le proposent dans la facture, une fois par an, une assurance suite du groupe AXA, à des actionnaires de Veolia en l'occurrence, que je vous déconseille, évidemment. Donc, cette consommation est multipliée par un prix, ben, vous ne savez pas d'où il sort, la seule chose que vous voyez, c'est que il change tous les 6 mois par une formule d'actualisation où il faut avoir le bac plus 20, ou plutôt un certificat d'études, parce que c'est une arnaque assez facile, très complexe pour que l'évolution du prix de l'eau soit supérieure à l'inflation. Et donc, il y a toujours un point d'écart entre l'inflation et l'augmentation du prix de l'eau. Voilà un petit peu la première façon de lire une facture. Donc, le prix de l'eau, il faut aller chercher dans le contrat. Dans le contrat, quand vous allez le chercher, il faut le demander à la bonne autorité. donc à la collectivité, à l'intercommunalité, au syndicat, bon, très difficile. Et lorsque vous le demandez, et je parle en toute connaissance de cause, c'est extrêmement difficile de se le procurer, puisque tout de suite, c'est la suspicion. Donc le citoyen qui veut vérifier un peu, il a beaucoup de mal. Et ça, c'est la façon verticale de lire la facture, puisque la façon horizontale, c'est l'eau, l'assainissement, la redevance de pollution et le prélèvement de l'agence de l'eau, la TVA, etc. C'est extrêmement complexe, et puis dans chacune de ces rubriques, il y a la part du fermier, lorsque c'est assuré par la société privée, et la part de la commune pour les investissements. Évidemment, tout ça a été fait pour que vous n'y compreniez rien, que vous ne vous intéressiez pas à ça. Et que même parfois, les élus ne s'intéressent pas. Une fois qu'on a compris ça, et ils l'ont compris très vite, ces sociétés, accompagnées des grands élus de gauche et de droite, malheureusement, ils ont, à la fin des années, enfin, au début des années 50, institué un système qui, justement, allait permettre à ces collectivités de ne pas trop augmenter les impôts locaux et de pratiquer peut-être des investissements en termes plus voyants, comme un stade de foot, une sponsoring d'équipe de basket ou un palais des congrès à Montpellier. Des choses comme ça. Et tout ça, évidemment, gagnant-gagnant, sauf que le dindon de la farce, c'est parfois le contribuable et parfois l'usager. Mais de toute façon, c'est toujours les mêmes. Donc nous. Alors voilà la situation du droit d'entrée, qui a été une somme qui a été prêtée par la société privée pendant la durée du contrat, qui est souvent longue, pour amortir justement, ou pour lisser l'augmentation du prix de l'eau, parce que c'est à partir de la facture qui se rembourse. Effectivement, tout ça a fait que nos élus de gauche et de droite ont donné largement à ces sociétés le mode de gestion qu'ils préfèrent. Aujourd'hui, 80% des usagers sont sous la gestion d'un nombre effarant de sociétés au nombre de 3, Veolia, Suez et la SOR. On est dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il aurait été intéressant que les candidats à la présidence nous disent quelles étaient leurs positions par rapport à tout ça. Malheureusement, il y en a peut-être un ou deux qui vont venir, mais quand on voit les responsables des partis politiques, ils sont absents. Et ça, c'est assez dingue. Alors, évidemment, je suis comme mon camarade pour l'impôt, puisque c'est un bien commun, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas l'impôt qui paye ce service. Et donc, on est encore dans l'état de la facture. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai que depuis quelques années, depuis environ 4-5 ans, on est parti sur une tarification qui était dégressive, on est passé sur une tarification progressive. C'est un progrès. Après, est apparu, et les multinationales se sont emparées de ça, le droit à l'eau, l'eau bien commun, ils sont d'accord avec nous, et donc ils sont pour la tarification sociale aussi. Parce que de toute façon, la tarification sociale, ce n'est pas eux qui payent. C'est nous qui payons. C'est une opération blanche. Alors effectivement, j'ai été longtemps avec Mme Mitterrand et on prenait, et Mme Mitterrand la première, que les premiers litres d'eau pour la vie soient gratuits, ce qui est une évidence. Le problème, c'est que quand c'est géré par le secteur privé, eux, ils ne sont pas opposés, parce que ça ne leur coûte rien, puisque ça vous coûte toujours à vous, puisque l'opération des gratuités des litres d'eau, des premiers litres d'eau, se répercute sur les tranches supérieures, ce qui est juste, mais en même temps, ça n'atteint pas leurs bénéfices. Vous voyez ? Donc, c'est comme la loi Houdin-Santini, ou le Téléthon, tout ça. Sur le principe, personne ne peut être contre d'aider les malheureux, si vous voulez. Hein ? Mais surtout quand ça ne coûte pas aux riches, quoi. C'est ça. Et puis en plus, quand ça peut rapporter en même temps aux riches, c'est encore mieux. Donc, vous voyez, c'est toujours extrêmement pernicieux. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous dire. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est parce que j'étais avec Mme Mitterrand au sommet de la Terre de Rio, de Johannesburg en 2002. Et on a été visité, c'est un bien grand mot, on a été mis au courant par les forums de anti-privatisation, comme ils s'appellent là-bas, sur l'opération que Suez, qui avait la gestion d'une partie de l'eau de Johannesburg, faisait à la ville. Puisque lorsque le contrat a été passé, le quartier de Soweto, les gens s'approvisionnaient comme ils pouvaient. Donc il y avait des bornes fontaines gratuites, comme au Maroc, etc. Évidemment, le secteur privé a considéré que c'est une atteinte à la concurrence déloyale. Donc, on a mis des compteurs, hein, pour que ça soit juste, quoi. Hein. Donc, voilà un petit peu ce principe. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où l'eau paye l'eau. L'eau n'a jamais payé que l'eau, évidemment. Donc, est-ce qu'on continue sur ce terrain-là ? D'autant plus qu'il y aura des investissements colossaux à faire parce qu'il y a un retard dans l'assainissement, il y a un retard sur le renouvellement des réseaux, un retard sur des fuites qui sont exorbitantes. Donc tout ça, évidemment, est-ce que le choix va être sur l'impôt ou sur la facture ? malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sur la facture, mais que effectivement, la sensibilisation et une réunion comme aujourd'hui, avec plein de participants de partout, permettra peut-être que l'eau soit vraiment un bien commun et non toujours pas une marchandise.